clair, obscur. Une musique sombre sur Rage. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission des musiques sombres clair-obscur sur Rage. On a commencé avec le thème de Batman parce que ce soir, comme je l'avais laissé entendre la semaine dernière, c'est une émission spéciale Psychobilly qui sera toute en énergie et en ténacité électrique tout au long de la soirée pour conclure la soirée rock sur Rage. En l'absence de Nathalie, qui malheureusement pour des raisons professionnelles ne peut pas être présente ce soir, mais elle viendra nous faire un petit coucou en cours d'émission sans doute. Et j'ai deux amis avec moi qui sont venus, des vieux routiers de la scène avignonnaise, qui sont venus un petit peu nous éclairer de leur lumière à propos de ce thème du psychobilly, rockabilly et horror punk qu'on va un peu parcourir ce soir. Car j'ai avec moi Guillaume et Fofo. Salut les gars. Salut. Salut à toi. Et ce sera donc vous qui viendrez nous apporter quelques lumières dans l'émission des musiques sombres. Ha ha ha, c'est rigolo. avec donc votre science du sujet et le groupe que vous nous avez ramené, et notamment celui avec lequel on va poursuivre tout de suite, Monster Club, un groupe que tu nous as ramené, Fofo, dont tu nous parleras tout à l'heure avec le morceau Halloween. Tonight it's Halloween and no time to pray. Vous êtes toujours dans Clair Obscur avec Monster Club qui vous interprétait à l'instant Halloween. C'est un morceau que nous avait ramené Fofo. Oui, tout à fait. Voilà, c'est quand tu m'as proposé de venir placer mes petits mots dans cette thématique psycho, garage, rock'n'roll, enfin plutôt rock'n'roll, rockabilly, tout ça, j'ai tout de suite pensé à Monster Club parce que pour moi, en tout cas, je pense que c'est un des groupes psycho français les. Voilà, depuis 99, cet album, mais en fait, ce morceau est tiré d'un album qui date de 99, qui s'appelle Welcome, c'est leur premier. Un album au graphisme assez particulier, puisqu'il reprend un peu le graphisme des comics books, un peu horrifique des ouais, années 60. Ouais. C'est à fond leur fond de commerce, en fait. C'est d'ailleurs le chanteur qui est l'auteur de ces dessins et qui donne un peu cette touche visuelle au groupe, justement, et qui est à fond dans les zombies, les morts-vivants, enfin voilà, tout ce qui est spooky. Voilà, série Z, tout ça. Et donc voilà, et c'est vrai que c'est le groupe français psycho le plus, enfin en tout cas depuis 10 ans maintenant, qui joue toujours. Maintenant, à la base, ils avaient une basse, c'était donc un trio guitare-basse-batterie, guitare-chant, et là, depuis, ils ont une contrebasse depuis pas longtemps, j'ai envie de dire, un an ou deux, quelque chose comme ça, et bon, voilà, et en tout cas, c'est vrai que moi, j'avais découvert par hasard sur une compile Noco à l'époque, et puis voilà, c'était un bon petit coup de cœur, du coup, j'ai découvert le groupe et... Noco, c'était un label? C'est un label, ouais, c'est Fred, le chanteur des Scarface, qui a monté ce label-là, et voilà, il a fait découvrir pas mal de petits groupes, qui à la base n'étaient pas connus, justement, et depuis Monster Club ont une certaine notoriété dans ce milieu-là, en France notamment, et à l'étranger, parce qu'ils sont rentrés en contact, de par le biais des dessins, du dessinateur, du chanteur, avec les Meteors, dont on reparlera sûrement après, qui sont un peu les précurseurs du psychobilly, et du coup ils ont fait des dessins pour les pochettes des Meteors et d'autres groupes prestigieux comme les Bimbo Killers d'ailleurs, parce que sur la pochette du premier album des Bimbo Killers on peut voir un dessin de Pascal Millet, le chanteur des Monster Club. Bimbo Killers, qui était un groupe avignonnais dans lequel tu avais joué. Et non, j'avais pas joué moi personnellement. Enfin, j'avais fait l'intérim, oui, sur une date ou deux, trois dates à la basse, mais c'était surtout Pierrick qui jouait dedans, qui était l'ancien animateur des Yaourts TNT. Voilà, parce que je dois préciser quand même aux auditeurs relativement récents de Rage que vous n'êtes pas des nouveaux venus à la radio. Et en votre temps, vous avez animé l'émission punk qui s'appelait Yaourt et TNT, comme tu viens de le rappeler, et voilà. Vous avez aussi pas mal intervenu et ô combien dans Indiebox pendant un peu plus d'un an. Donc, les présentations sont faites et maintenant que tu nous avais ramené un truc qui dépote bien pour nous mettre en jambe pour cette émission, eh bien on va retourner un petit peu aux sources parce que le psychobilly n'est pas une génération spontanée, il a des racines dans le rock roots on va dire, et notamment ce qu'on appelle le rockabilly, et tu nous en as amené un exemple Guillaume avec Carl Perkins, c'est ça? Carl Perkins, une figure emblématique du rockabilly, du rock'n'roll du tout début des années 50. C'était vraiment un précurseur. C'était le tout début du rockabilly. Mais il s'est fait connaître par son tube Blood Set Shoes qui a été repris par Elvis. Bill Haley. Par Elvis après. Autant pour moi. Tu fais trop bien. Voilà. Et donc il a débuté. Bon voilà, il est tombé dans une période après d'alcoolisme comme beaucoup de rockers. Mais il nous a laissé derrière lui bon nombre de titres références, dont celui dont on va écouter maintenant. Il s'appelle Onedont, c'est ça? Onedont. C'est bien ça, Onedont. Voilà. C'est pour vous ce soir dans Clair Obscur. Well, how come you say you will when you won't? You tell me you do, baby, when you don't. Let me know, honey, how you feel. Tell the truth now, is love real? Honey, don't. know. I like the way that you wear your clothes. Everything about you is so doggone sweet. You got that sand all over your feet. So, hey, honey, don't. Nous voilà revenus au bon vieux temps vintage du rock and roll des années 50 avec Cal Perkins et le morceau Honey Don't, un morceau que tu nous avais ramené, Guillaume, un chanteur qui te tient particulièrement à cœur, et tu vas nous présenter un petit peu finalement l'historique de l'évolution finalement du rock and roll dans cette veine là. Du rock and roll, le rock and roll, donc le rockabilly qui est né au milieu des années 50, donc c'est un mélange, la rencontre du rock, blues, gospel. Le premier véritable titre single de rockabilly, c'est Elvis Presley qui nous l'a donné avec That's All Right Mama. Est-ce que c'était le premier à porter une banane? Est-ce que c'était le premier? C'était une bonne question. Il y avait Cheetah avant, mais bon. Il y avait Cheetah. Bon, j'insiste pas. Je crois que ça restera un mystère ce soir. Vas-y, continue sur Elvis, s'il te plaît. Alors, Elvis, pour voilà, le rockabilly des années 50 a suivi après son évolution. On vient donc au thème principal de l'émission, le psychobilly. Donc ce style de musique, ce mélange du punk rock et du rockabilly, donc se caractérise par déjà la présence d'une contrebasse comme à l'époque du rockabilly. Élément indissociable, ouais, d'après ce que tu m'avais expliqué, parce que finalement un groupe qui n'aurait qu'une basse électrique peut pas se caractériser comme un groupe de psychobilly. Ouais, c'est. Après, il y a une controverse, mais c'est vrai que c'est tellement trippant de les voir grimper sur leur contrebasse sur scène que c'est vrai que ça fait partie du jeu en même temps. Ouais, c'est aussi l'aspect scénique. Et aussi, du son aussi, c'est vrai, parce que t'as le claqué que t'as sur le manche de la contrebasse que t'as pas sur la basse électrique. Et t'as Monster Club dont on parlait, ils ont fait 4 albums avec une basse et c'est du psycho quand même, mais bon, c'est vrai que ça fait. Le cachet doit beaucoup à cette sonorité, ouais. Cachet et psycho. Et donc le psycho est né au début des années 80, la confluence de toutes ces influences. Voilà, de toutes ces influences, donc qui font référence aux films d'horreur, à une certaine forme de violence. Tous les films de Ed Wood, Bela Lugosi, tout ça, voilà. cet imaginaire un peu de Dracula, Frankenstein. Voilà, des sujets tabous, la sexualité libérée, donc des choses qui font peur. Enfin, ça reste dans le milieu De tout ce qui est sinistre, mais voilà, pris avec recul et avec humour de toute façon, parce qu'il est jamais question d'être triste ou sinistre d'humeur, sinistrose quoi. Dans le psycho, c'est toujours très enjoué et il y a toujours de la bonne humeur. Voilà, c'est fait très enjoué, de la bonne humeur. C'est vrai que ça aborde des sujets noirs, des textes noirs, macabres. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que le style a toujours refusé d'associer des idées politiques à la musique. dans le Psychobli, rare, enfin même j'ai jamais entendu parler de revendications politiques. Bah, au contraire, enfin bah, on en reparlera peut-être tout à l'heure quand on arrivera sur le Météors, mais ça a été aussi un sujet qui a été source de polémique par la suite par rapport au public Psycho. Voilà, en tout cas dans la musique elle-même. Après bon, c'est vrai que les fans de certains groupes peuvent à tort prendre un message ou d'un groupe comme dans plusieurs styles différents, mais l'interpréter, ouais. Voilà, l'interprétation, mais c'est vrai que à la base c'est un style qui parle de monstres, d'amour, de voitures, de rock'n'roll, quoi, finalement. Qui parle de la vie, mais sans forcément parler de cet aspect de la vie qui est la politique. Ça, on le laisse un petit peu à l'écart. On le laisse à l'écart, ouais. Et finalement, on va parler maintenant d'un groupe qui est un petit peu emblématique de cette période-là. Du début des, enfin, les Stray Cats, pour ne pas les citer, groupe de référence des années 80, finalement, qui a redonné un nouvel air à cette musique rockabilly. Donc voilà, on ressort les Creepers, les Bananes et les Perfecto pour se redonner cette musique au goût du jour, alors qu'il y avait cette période de synthétique qui sortait. Eux revenaient vraiment aux sources, quelque part revenaient à cette musique rock'n'roll, voilà, pur et dur et basique quelque part. Et à la limite, c'est vrai que ce qui différencie le rockabilly, donc comme qu'on retrouve dans un groupe comme les Stray Cats, au psychobilly qui justement va arriver un peu après, c'est ce côté dont on parlait juste avant, c'est-à-dire que le rockabilly sont pas du tout dans les thématiques gore, vampire, monstre, Satan, tout ça. Ils sont à fond gonzesse, bagnole, rock'n'roll et peigne dans la poche, quoi. C'est Fonzie qui fait de la musique, quoi. Voilà. Ouais, Fonzie, c'est vraiment l'archétype. Voilà. Et Fonzie, il est comment? Il est cool. Écoutez, je crois qu'on va rester le Titanic aussi. Titanic, il cul. Oh là, c'est malin. On s'excuse auprès des familles. Hein. C'était il y a longtemps. Et donc, pour en revenir aux Stray Cats, un groupe que moi, pour ma part, qui me tient à cœur, puisque c'est vrai que c'est un groupe que j'écoutais quand j'étais petit avec les disques de mes parents. Je crois que je n'ai pas été le seul, puisque ça a été ton cas aussi. Et tu nous as ramené à un morceau, sans doute un des plus célèbres. Premier album, premier morceau, Runaway Boys. Premier tube aussi. Peut-être le deuxième. Je crois que c'est Roxy Storm qui ont sorti en premier, mais bon, en tout cas, le deuxième. Cas, voilà, cet album, le premier album des Stray Cats. 81. Merci Renaud si tu nous écoutes. Voilà, énorme tube. On va s'écouter ce tube, Runaway Boys. Allez, dans la nuit. Throw your clothes into a duffel bag. Chat and slink, I got the whole bit to drag. Runaway Boys avec les Stray Cats, le groupe emmené par Brian Setzer dans cette période fin des années 70, début des années 80, qui a vu naître le Psychobilly, et on ne s'en plaindra pas parce que c'est vraiment que du bonheur avec ce groupe que tu nous avais ramené, Guillaume. Et maintenant, on va passer à un autre groupe, lui aussi célébrissime et assez important pour ce mouvement-là, puisqu'il s'agit des Meteors, Fofo. Et oui, des Meteors qui donc qui s'autoproclament les inventeurs du Psychobilly. Donc là, on rentre en plein dans le vif du sujet. Donc, The Master of the Master. Voilà. Bah, en fait, ils ont un slogan très connu qu'on retrouve dans des albums, sur leur t-shirt, où il y a marqué "Only the Meteors are pure psychobilly". Ok. Donc le psychobilly, c'est nous, c'est personne d'autre. Les Meteors. Okay. Donc voilà. Au moins, ça affiche clairement la couleur, quoi. Donc voilà, Meteors qui commence au début des années 80. Donc pareil. Le leader, on va dire, c'est Paul Fenech, donc guitariste chanteur, qui est au jour d'aujourd'hui, puis même depuis un moment, le seul à faire encore partie des Meteors. En fait, le line-up. Un sale caractère, d'après ce que tu m'avais dit. Ouais, un sale caractère pour plusieurs raisons, un peu par rapport à ce qu'on disait en fait tout à l'heure, c'est-à-dire que les Meteors, en fait, quand ils ont commencé à jouer, ils tournaient aussi bien dans les concerts punk que dans les concerts, enfin dans les, oui, sur la scène punk que sur la scène psycho, enfin à l'époque était rockabilly justement, et en fait ce qui les démarquait justement des groupes comme Angelic Upstart ou UK Subs à l'époque, c'était que ces groupes là qui étaient très engagés politiquement, ou les Clash ou les trucs comme ça pour parler des encore plus connus, et donc politiquement on va pas refaire l'historique du mouvement punk, mais c'était très à gauche, voire très noir, porte-drapeau anarch, tout ça. Donc c'est clair que les j'arrive pas à les dire, hein, ça fait trois fois que je cherche leur nom, hein, les Meteors, je vais y arriver. Eux justement étaient sans politique, sans religion, tout ça, mais ce qui fait qu'ils drainaient dans leurs concerts des publics de d'avis divers, et ce qui leur a collé à tort ou pas, je sais pas, je les connais pas assez personnellement pour le savoir, mais en tout cas une étiquette un peu de sympathisants avec de l'extrême droite qui faisait un peu tâche dans le milieu d'où ils étaient issus en fait, et qui fait que voilà. Mais bon, musicalement en tout cas, ça reste la référence pour les gens qui du mouvement punk encore aujourd'hui, ça reste la référence psycho, et voilà quoi. Donc on va peut-être pas polémiquer ni s'étaler sur ce côté outre musical, parce que c'est vrai que musicalement ils ont quand même apporté une pierre à l'édifice, on va dire, qui est indéniable, et voilà, et ça reste la référence donc du Psychobilly quoi. Et on va s'en faire une idée avec le morceau que tu nous as ramené, voilà, qui s'appelle donc Psycho for Love, et qui est issu de leur premier album qui s'appelle In Heaven. Donc voilà, on reste dans les sources, dans les racines. Non, ça te plaisait pas le mot source, c'est sûr, tu aimes. Non, mais si tu veux, il faut que je t'explique. Vas-y. Parce que depuis ton époque, si tu veux, la platine est la même, mais elle a vieilli, si tu veux. D'accord. Donc, quand je veux lancer le morceau 2, elle m'en lance le morceau 12. D'accord. Alors, tu veux que je refasse ma dernière phrase ? Donc, en fait, les Monster Club, en fait, c'est un groupe de sources. C'est des sources. Non, allez, qui prennent leurs racines dans la platine est réconciliée avec le Psychobilly, et elle daigne nous laisser écouter les Meteors avec le morceau Psycho for Your Love. C'est. Smoke, I'm a psycho for your love. Transforme ses résidus en œuvre d'art qu'on s'arrache à prix d'or. La sculpture encore de Rombilico. Ce soir dans Clair Obscur. Six eyes, I got a garbage brain that's driving me insane. And I don't like a ride, so push the best aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare. Cause I'm a reborn maggot using Jim Warfare. Rock. The Cramps, donc, avec Human Fly, effectivement, ça bourdonnait un peu pendant le morceau. C'était un morceau d'un album que tu nous as ramené, Fofo. Donc, The Cramps, voilà. Un morceau, un groupe sur lequel il y a une polémique. Leur son est psychobilly, mais personne veut admettre que c'est du psycho. Ouais, même pas eux, apparemment. Mais, ouais, parce que, mais c'est vrai que ça n'a pas un grand rapport, par exemple, musicalement, avec ce qu'on a écouté avant. Alors, on peut toujours y trouver, ça reste. Il n'y a pas de basse, déjà. Il n'y a pas de basse. Enfin, il y en a eu, mais. Il y en a eu après, ouais, voilà. Que... Mais, disons qu'il y a, voilà, il y a un côté, basique dans la structure. C'est-à-dire qu'il y a trois accords à tout casser dans la chanson, autant dans les Cramps que dans les Meteors qu'on a écouté avant. Donc, il y a des rapprochements, mais c'est vrai que là, ça ressemble plus à du surf dépressif qu'à du. A du, enfin voilà, je veux dire, dans l'ambiance, on va dire, c'est vrai que c'est pas vraiment. C'est un peu glauque, quoi, c'est vrai. Un peu plus glauque, voilà, carrément. Et puis, ils sont américains. L'air de rien, ça, tu vois, les Stray Cats aussi, tu vas me dire, hein, mais je veux dire, tu prends, c'est pas le même, enfin, c'est pas, voilà, c'est pas la même, forcément, la même fibre, on va dire. Alors, outre-Atlantique, tu fais du rockabilly et outre-Manche, tu fais du psychobilly. Peut-être en bien, gros, c'est ça. En fait, hein, tu viens peut-être de résoudre l'énigme. Je crois qu'on va rendre l'antenne. En tout cas, on aura appris un truc ce soir, notamment aussi le fait que le chanteur de ce groupe-là est mort. Ouais. Lux Intérieur, qui est mort il y a 20 jours, un truc comme ça, le 4 février, qui vient de passer, là, 2009. Voilà, qui était donc le fondateur. En fait, c'est marrant. J'ai découvert ça ce soir en faisant quelques recherches. En fait, l'histoire du groupe est, je veux pas la faire en longue parce que ça va être long, hein, du coup. Mais voilà, en gros, c'est Lux Intérieur, donc le chanteur, et Ivy Rorschach, qui était donc la guitariste ou bassiste, ça dépend. Connu sous le nom de Poison Ivy. Voilà, Poison Ivy. Comme le personnage de Batman qu'on écoutait au début de l'émission. Décidément, on n'en sort pas. Voilà. Qui se sont rencontrés en fait par hasard un jour en faisant du stop et qui voilà 10 ans après ils ont monté un groupe quoi et voilà quoi et c'est vrai qu'il est mort. Et bien Dieu et son âme et à mon mon avis, ça doit un peu swinguer au niveau du paradis ou en enfer. Oui, c'est pas ça que je voulais dire, mais du coup, c'est ça qui est sorti. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Et ben, on va rester entre le paradis et l'enfer, justement, avec des groupes de psycho qui, eux, sont un petit peu plus connus, parce que même un néophyte comme moi les connaît. Il s'agit d'un groupe danois que tu nous as ramené, Guillaume, emmené par un certain Necroman. Kim Necroman. Necromantic, c'est un groupe qui a débuté il y a maintenant à peu près une quinzaine d'années. Un groupe psychobilly pur et dur, avec toute la formule qu'il faut, banane, pull jacquard et contrebasse. Contrebasse d'ailleurs taillée pour le chanteur contrebassiste, parce qu'il s'est fait faire un cercueil contrebasse. C'est assez impressionnant à voir, c'est vrai. Voilà, donc si vous avez l'occasion de regarder sur un moteur de recherche des vidéos, vous tapez Necromantic, vous verrez en vidéo que voilà, scéniquement en tout cas c'est bien noir, c'est du psychobilly. Donc voilà, on va s'écouter un petit peu. Peut-être juste, si je peux faire juste une parenthèse en fait, c'est qu'en fait le point commun je trouve qu'il y a dans les groupes de psycho en fait, la banane. C'est la banane. Voilà, merci. Allez, on envoie. Non, c'est pas ça. C'est ce soir aussi. On a la pêche et on a surtout la banane. La banane. Non, c'est surtout. Enfin, c'est aussi pour ça que je vais pas ranger les Cramps dans la même catégorie. D'ailleurs, c'est surtout la qualité du guitariste en fait. C'est que en fait la structure musicale est super basique, à savoir c'est les trois mêmes accords que Chuck Berry jouait déjà et que Elvis Presley jouait déjà, etc. Mais il y a un guitariste soliste, souvent il y en a qu'un d'ailleurs, et qui a un super niveau et un toucher rock'n'roll justement, qui fait qu'il y a des solos ou des petites lignes, enfin des rythmiques qui fait que ça reste accrocheur, parce que sinon on se ferait chier au bout de trois morceaux. Mais c'est vrai que ça y joue beaucoup, autant Brian Setzer, voilà ce que j'allais dire, ou dans les Stray Cats que Paul Fennec dans les Meteors, que je connais pas le nom du guitariste Necromantics, mais c'est une bonne brustasse aussi quoi. Et Necromantics, juste pour du coup te permettre de réenchaîner, c'est donc comme tu disais un pur groupe psycho dans l'âme, mais par contre je trouve dans le son, moi c'est la limite la vague psycho que je préfère, à savoir la plus moderne, avec un gros son quand même qui mélange un petit peu les sonorités, enfin le gros son des studios actuels, avec où t'entends bien tout ce qui se passe avec un super son, mais en gardant cette fibre qu'on retrouvait chez les Meteors ou les Stray Cats. Et bien je vous propose de vérifier sur pièce avec le morceau Génération 666. Clair Obscur, l'émission des musiques dark. Bonsoir, si vous nous rejoignez, vous êtes bien dans Clair Obscur sur Rage, vous nous écoutez dans le, sur le 90.3 dans le Vaucluse, le 102.5 dans le Gard, les Bouches-du-Rhône et l'Hérault. Et à l'instant, c'était Horror Pops, un groupe psycho avec un extrait de l'album Kiss Kill qui est sorti il y a pile poil un an. Et c'est vraiment un groupe qui déchire, un groupe qui est lié d'ailleurs avec le groupe précédent qui était Necromantics, n'est-ce pas Guillaume? Eh bien oui, mon cher Stéphane. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que le titre du morceau, c'était Heading for the Disco, mais elle l'a dit tellement de fois que Heading for ça tombait sous le sens. Mais écoute, les Necromantics et les Horror Pops qui sont liés parce que tout simplement parce que le guitariste de Necromantics, Kim Necroman, n'est autre que le guitariste de Horror Pops, qui est lié de cœur avec la chanteuse. La chanteuse. Alors je dois préciser pour les auditeurs qui n'ont pas la couleur sur la webcam que les affreux jojos de Tapage Nocturne sont restés nous tenir compagnie, ce qui est tout à leur honneur parce que c'est un plaisir pour nous de leur accorder un petit peu de notre temps et de notre attention. Nous piquer les bières. Mais ils viennent faire des chatouilles aux animateurs dans le studio et je crains le moment où ils viendront s'introduire dans ma cabine. Mais continue Guillaume, tu parlais d'Horror Pops. Donc oui voilà, j'ai expliqué le lien qu'il y avait entre ces deux groupes là, le Kim Necroman, le chanteur, le guitariste et de Necromantics. Mon pauvre Stéphane, tu es à côté de moi, tu me fais perdre mes moyens, je n'en peux plus. Donc, nous avons écouté ce dernier titre de Horror Pops. Je vois que l'heure tourne et que c'est l'heure de la reprise, non ? Ce n'est pas l'heure de la reprise, comme à l'accoutumée. Non, effectivement. Dans Indiebox, à une époque, il y avait effectivement, à la demi, c'était la reprise. Mais effectivement, on va honorer cette petite tradition ce soir, puisqu'on va passer une reprise de Bauhaus. Alors là, les gothiques qui nous écoutent s'y retrouveront. Puisque c'est une reprise que tu m'as fait découvrir, d'ailleurs, Guillaume, en ton temps. Puisqu'il s'agit du groupe The Mediums, avec un album un petit peu Psychonauts and Medium Pump, c'est un truc comme ça. Enfin bref, un nom a couché dehors pour l'album et c'était une reprise de ce morceau de Bow. C'est un morceau qui est devenu un hymne, notamment Bella Lugosi's Dead, bien sûr. Et je vous propose d'en écouter une version Psychobilly assez étonnante. Et Mirek, tu touches pas au bouton de la console, sinon je vais être obligé de t'en retourner une. Allez, on va s'écouter ça et vous m'en direz des nouvelles. Yeah. Une reprise absolument tripante de Bela Lugosi's Dead, le morceau phare, l'hymne des gothiques que créa Bauhaus à la fin des années 70. Et c'est vraiment une reprise assez surprenante par le groupe The Mediums, donc belle découverte pour moi. On est avec Nathalie qui est à l'autre bout du fil et qui a elle aussi travaillé à cette émission, même si elle n'a pas pu être là ce soir. Nathalie, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Salut Nathalie. On a réussi à établir. Et en plus, t'es le mercredi soir, t'es vraiment la seule nana dans les studios, donc tu apportes un brin de douceur qui manque vraiment ce soir parce que c'est assez graveleux, quoi, en antenne. Je me doute bien, mais bon, ça, il fallait s'y attendre. Et oui, mais je suis quand même venue, moi, vous présenter un groupe que j'ai découvert pour cette spéciale Rockabilly. Je précise qu'à la base, bon, Stéphane le sait, ce n'est pas mon registre de prédilection, mais je me suis penchée sur la question. Et j'avais envie de vous faire partager un groupe nommé Cult of Psychic Fetus. Alors déjà, rien que le nom, ça s'annonce bien. Groupe américain originaire de l'Ohio, des États-Unis, quoi, qui s'est taillé sa part du lion dans ce domaine de rockabilly, avec un grand renfort de coups de clin d'œil macabre à la famille Adams, de thèmes musicaux dignes de magnifiques films d'horreur de série B, et autres clichés gore du genre. Donc, ce groupe Cult of the Psychic Fetus, moi, je vous propose de l'écouter parce que s'il y a vraiment un groupe auquel le terme de gothabilly s'applique, vraiment, c'est eux. Voilà. Ben écoute, merci. Et donc, le titre du morceau, pendant que mes petits camarades font des blagues en douce dans le studio, je Qu'est-ce te demande. Qu'est-ce qu'ils racontent? Ah ben, je sais pas, mais à mon avis, il va y avoir des coups de pied au cul que tu vas distribuer la semaine prochaine. Et le Avec morceau grand plaisir. Que tu nous as ramené ce soir, donc pour illustrer un peu le propos et l'œuvre finalement du culte du fœtus psychique, si j'ai bien compris. C'est donc le morceau. Cult of Psychic Fetus. Rien que c'est beau le nom déjà. Ah, moi j'adore, hein. Moi qui prétends travailler dans les pompes funèbres, ça va me plaire. Ah mais je me suis dit, justement j'ai pensé à toi quand j'ai choisi le morceau, il se nomme Funeral Home. Voilà, et je vous dis en passage à la semaine prochaine en chair et en os dans les studios. Allez, on t'attend avec impatience parce que je me sens un petit peu seul au milieu de toutes ces brutasses. J'imagine. Et puis allez, bon courage. On écoute ça. Merci. Cult of the Psychic Fetus avec Funeral Home. Bisous à tous. Salut. Ciao. Ciao. Eyes to behold and his soul to lust. The undertaker sat when he saw the heart. Her innocent beauty lie in the dormant dark. At the funeral home. Violation, he drained your body in blood. démonio. Et on écoute Clair Obscur sur Rage. Is a kill from the heart is born the crooner, the push for his invention, the heart shaped blood stains, baby, the drowning dreams of the moonlight. Come on. In those rooms, in my way, it's where things come to face in the moonlight. À l'instant, Nimvin, un groupe d'horreur punk canadien de Vancouver, avec le morceau The Midnight Croon. Alors là, on restait bien vraiment dans cette ambiance un petit peu spooky, un petit peu lié à tout ce qui est funéraire, funèbre et que sais-je encore. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. On espère que, avec mes compères Guillaume et Fofo, qui nous ont fait le plaisir d'être là ce soir, vraiment merci les gars de nous avoir éclairé un petit peu. Merci à vous. Ça fut un plaisir. Ça fut très très très. On reviendra, hein. On n'y manquera pas. Tiens, on n'a pas passé de groupe belge ce soir, pourtant il y en avait. Un groupe belge de psychobers. Bon, fermez vos gueules, j'ai quelques concerts à annoncer. Alors, ce week-end, donc, il y aura quand même pas mal d'événements. Vous aurez notamment, pour ceux qui apprécient l'électro, Miss Kitty and the Hacker qui seront à Aix-en-Provence dans une boîte qui s'appelle Le Mistral, pour ceux qui apprécient. Sinon, le même soir, vendredi 27 février, vous aurez une soirée cérémonie au Poste à Galen, comme il y en a tous les 2-3 mois. C'est à partir de 21h30 et c'est 6€ si vous voulez vous tailler une silhouette et perdre les poignées d'amour avant les beaux jours. Sinon, le lendemain, samedi 28 février, vous avez les 16 Sinners, c'est les bananes métalliques, à l'Omega Live à Toulon, et c'est pour la somme de 10-13€. Donc Banane Métallique, Sisting Sinner, c'est pas tout à fait le même style, mais ça peut donner quand même deux très bons concerts. Je vous invite à aller vérifier ça par vous-même. Voilà, on va se quitter avec un petit morceau tranquille, une Californienne qui a son comme nom de scène Devil Doll et qui a fait une rockabilly matinée de swing et de country, une musique qui plairait à Dita Von Teese et à toutes ces filles qui se reconnaissent dans le mouvement que les Américains appellent burlesque. Vous savez, toutes ces filles accro au pin-up. Quand on parlait de Mr. Shoops, ce groupe de surf, de surf music russe, notamment, on comparait la bassiste à Betty Page, n'est-ce pas, Guillaume? C'est la frange qui fait ça. C'est la frange et une beauté brune. La frange wallonne. Très, très brune, très très belle, très, très beau, c'est magnifique. Tu sais, je voulais te poser une question. C'est qui ce Billy d'abord? Ce sera le mot de la fin. Écoutez, on se quitte avec le rockabilly de la petite demoiselle californienne que j'ai envie de vous faire découvrir ce soir, Devil Doll, avec le morceau The One That Got Away. On vous laisse avec la rediffusion des Fous du Stade. Merci à tous. À la semaine prochaine avec Nathalie et sans doute un ce soir aussi. On vous reviendra serez de pas, retour. Promis. Allez, salut. Ciao. Au revoir. Au revoir. Stand right over there, but don't talk too loud. I would hold your hand, don't wanna stand out in a crowd. I would buy you flowers, but they'll die anyway. But I'll cover it with butter just to get you to stay. Well, I'm the one who got away. It doesn't matter what you say, you'll regret it till you're dead. I'm the one who got away. Now she's just a friend, and it don't mean a thing. If it didn't affect my work, then I would wear my ring. Babe, you know I love you and I'd always be true. But a man has got to do what a man's gotta do. I'm the one who got away. Doesn't matter what you say, you'll regret it till your dying day. 'Cause I'm the one who got away. Picture for all those to see. What's the matter, baby? You embarrassed me. 'Cause I'm the toughest little cookie that you're ever gonna see. And you'll be crying like a baby when you can't find me. I'm the one who got away.